Et tu danses, ouais tu danses, et tu penses, ouais tu penses, et je pense que tu penses, ouais je pense que tu penses, et tu danses, ouais tu danses, et tu penses, ouais tu penses, et je pense que tu penses, ouais je pense que tu penses, danse. Danse, baby, danse, je veux te voir sourire. Pense, pense, baby, pense, vivre n'est pas un crime. Je cherche des réponses dans de la paille. Ne pas finir en zonziac, ça qui maille. Apparemment, on les dérange, alors on va partir. J'ai appris avec de l'âge que tu es mon seul saphir. Mais comment tourner la page quand celle-ci se déchire? Notre histoire fut un carnage et tu m'as fait souffrir. Je noie tous mes soucis, je les ai tués, j'ai fait des meurtres. Je veux pas finir ici, rien ne s'efface, tout est au feutre. J'aimerais tant que tu m'aimes, mais t'es parti avec ce con. Je peux te jurer, j'ai trop la haine, j'ai voulu sauter d'un pont. Je pige pas trop mes erreurs, j'ai voulu te rendre heureuse. Peu à peu, tu vois, je meurs, tu étais une arnaqueuse. Danse, danse, baby, danse, yeah. Je veux te voir sourire. Et tu danses, ouais, tu danses. Et tu penses, ouais tu penses, et je pense que tu penses, ouais je pense que tu penses, et tu danses, ouais tu danses, et tu penses, ouais tu penses, et je pense que tu penses, et je pense que tu penses, yeah.